Crésus régna en Asie au VIe siècle avant notre ère, et Hérodote est un historien grec du siècle suivant. Le fils de Crésus, à l'âge où les enfants commencent à parler, ne pouvait articuler aucune parole. Il atteignit même l'adolescence sans s'être débarrassé de cette infirmité, en sorte que l'on crut pendant longtemps qu'il était muet. Mais un jour, Crésus, ayant été vaincu dans une grande bataille, et la ville où il avait trouvé un asile étant prise d'assaut, le jeune prince vit un soldat qui, l'épée à la main, s'avançait pour tuer le roi, qu'il ne connaissait pas. À cette vue, il ouvre la bouche pour crier. La violence des efforts fut telle qu'elle brisa l'obstacle qui embarrassait sa langue et qu'il cria très clairement et très nettement au soldat de ne pas tuer le roi Crésus. Aussitôt, le soldat écarta son épée, le roi fut sauvé et à partir de ce moment, le jeune prince put parler. C'est Hérodote qui raconte ce fait dans son histoire. Un athlète samien, appelé Églès, après avoir été muet pendant longtemps, recouvra, dit-on, l'usage de la parole par une cause analogue. Un jour qu'une lutte devait avoir lieu, pendant une cérémonie religieuse, il s'aperçut qu'il y avait de la mauvaise foi dans le tirage au sort, qui règle l'ordre des combattants, et que l'on trompait dans le rang qu'on lui assignait. Il se précipite sur l'auteur de la fraude en lui disant à haute voix qu'il découvrait sa supercherie. Cet effort brisa le lien qui tenait sa langue captive, et, dès ce moment, il parla avec aisance et netteté.